destin. Zut, encore un qui a mal refermé le robinet. Goutte à goutte, je suis la trajectoire de l'eau qui s'enfuit. L'évier en inox, le tuyau d'écoulement, les tréfonds de la maison, la terre froide, noire. La terre, la mort, l'humus, la forêt, la croûte terrestre, jusqu'à la nappe phréatique. Je la suis en pensée, ma goutte. Loin, si loin, avec ses sœurs. D'abord rue, puis torrent, fleuve, embouchure, mer. La grande bleue, porteuse de tant d'espoir et de tant d'attente, elle traverse ma petite goutte. Elle arrive en Afrique et termine sa course tout au fond d'un puits dans ce village de brousse. Leïla, Samira, sont parties tôt ce matin. Elles ont mis sur leur tête le petit coussin sur lequel elles poseront l'outre à eau. Elles marchent sur le chemin. Le soleil n'est pas encore trop haut dans le ciel. Pendant plusieurs heures, elles cheminent avant d'arriver en vue du puits. Enfin, elles y sont. Un chatoiement d'étoffes. Toutes ces couleurs. Quelle agitation autour du puits de vie. Elles pépillent, elles jacassent. Un vol des tourneaux, un troupeau d'oies. Des mouettes rieuses. Elles racontent les nouvelles de leur village. La fille du chef de là-bas qui a épousé le fils du chef d'ici. Les fêtes ont été belles, elles ont duré des jours et des jours. On leur souhaite une belle et longue, très longue descendance. Laquelle d'entre elles a emporté ma goutte d'eau à moi sur son turban multicolore? Je peux rêver encore très longtemps sur sa destinée et sur ce miracle qui fait que, bu, elle retournera à la terre, puis dans les nuages, et que s'écoulera ainsi, à l'infini, le grand cycle de la vie. Moi, je reste au bord de ce puits près duquel un homme s'approche, soudain. Dans ses yeux, tout l'amour du monde. Dans son regard, toute la compassion. Alors, mû par une force intérieure, je parle. Je lui dis tout. Je me raconte. Qui je suis. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Et jusqu'à mes moindres pensées, les plus secrètes, les plus honteuses, les meilleures comme les pires, les plus belles comme les plus laides. Je ne cache rien de mes petites hontes, de mes grandes misères. Et cela dure un temps infini. Et lui est là, qui écoute patiemment, qui me laisse parler, vider mon sac, mon outre. De temps en temps, il se penche, me donne à boire, et je me sens bien. Heureuse, comblée. Alors, comme je me sens importante, unique, j'en rajoute, j'insiste, un peu bêtement. Dans mon immense, mon incommensurable désir d'être acceptée, d'être aimée, je vais chercher plus loin encore, au plus profond, au plus obscur de mon âme, de mon être, des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir me rappeler, que je pensais évanouies à jamais, et je les pose là, devant lui, à ses pieds. Rien ne semble l'étonner de tout ce que je lui confie. C'est comme s'il me connaissait depuis toujours. Enfin, je questionne. Je m'intéresse. À lui, cette fois. Mais qui es-tu? Comment sais-tu? Alors, lui se penche vers moi, qui n'avait pas vu qu'il était si grand. Il se met à mon niveau. Il me regarde droit dans les yeux et je suis soudain à la fois forte et fragile. « Je sais, me dit-il, parce que je suis. »